Section 32 de Mémoire d'outre-tombe, volume 3. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Troisième partie, livre 10e. Suite. Je repris ma polémique. J'avais chaque jour des escarmouches et des affaires d'avant-garde avec les soldats de la domesticité ministérielle. Ils ne se servaient pas toujours d'une belle épée. Dans les deux premiers siècles de Rome, on punissait les cavaliers qui allaient mal à la charge, soit qu'ils fussent trop gros ou pas assez braves, en les condamnant à subir une saignée. Je me chargeais du châtiment. L'univers change autour de nous, disais-je. De nouveaux peuples paraissent sur la scène du monde. D'anciens peuples ressuscitent au milieu des ruines. Des découvertes étonnantes annoncent une révolution prochaine dans les arts de la paix et de la guerre. Religion, politique, mœurs, tout prend un autre caractère. Nous apercevons-nous de ce mouvement? Marchons-nous avec la société? Suivons-nous le cours du temps? Nous préparons-nous à garder notre rang dans la civilisation transformée ou croissante? Non. Les hommes qui nous conduisent sont aussi étrangers à l'état des choses de l'Europe que s'ils appartenaient à ces peuples dernièrement découverts dans l'intérieur de l'Afrique. Que savent-ils donc? La bourse. Et encore, ils la savent mal. Sommes-nous condamnés à porter le poids de l'obscurité pour nous punir d'avoir subi le joug de la gloire? La transaction relative à Saint-Domingue me fournit l'occasion de développer quelques points de notre droit public, auxquels personne ne songeait. Arrivé à de hautes considérations et annonçant la transformation du monde, je répondais à des opposants qui m'avaient dit quoi? Nous pourrions être républicains un jour? Radotage? Qui est-ce qui rêve aujourd'hui la République? Etc., etc. Attaché à l'ordre monarchique, par raison, répliquai-je, je regarde la monarchie constitutionnelle comme le meilleur gouvernement possible à cette époque de la société. Mais si l'on veut tout réduire aux intérêts personnels, si l'on suppose que pour moi-même je croirais avoir tout à craindre dans un État républicain, on est dans l'erreur. Me traiterait-il plus mal que ne m'a traité la monarchie? Deux ou trois fois dépouillé pour elle ou par elle? L'Empire, qui aurait tout fait pour moi si je l'avais voulu, m'a-t-il plus rudement renié? J'ai en horreur la servitude. La liberté plaît à mon indépendance naturelle. Je préfère cette liberté dans l'ordre monarchique, mais je la conçois dans l'ordre populaire. Qui a moins à craindre de l'avenir que moi? J'ai ce qu'aucune révolution ne peut me ravir. Sans place, sans honneur, sans fortune. Tout gouvernement qui ne serait pas assez stupide pour dédaigner l'opinion serait obligé de me compter pour quelque chose. Les gouvernements populaires, surtout, se composent des existences individuelles et se font une valeur générale des valeurs particulières de chaque citoyen. Je serai toujours sûr de l'estime publique parce que je ne ferai jamais rien pour la perdre et je trouverai peut-être plus de justice parmi mes ennemis que chez mes prétendus amis. Ainsi, de compte fait, je serai sans frayeur des républiques comme sans antipathie contre leur liberté. Je ne suis pas roi, je n'attends point de couronne, ce n'est pas ma cause que je plaide. J'ai dit sous un autre ministère et à propos de ce ministère qu'un matin on se mettrait à la fenêtre pour voir passer la monarchie. Je dis aux ministres actuels, en continuant de marcher comme vous marchez, toute la révolution pourrait se réduire dans un temps donné à une nouvelle édition de la charte dans laquelle on se contenterait de changer seulement deux ou trois mots. J'ai souligné ces dernières phrases pour arrêter les yeux du lecteur sur cette frappante prédiction. Aujourd'hui même que les opinions s'en vont à vaut de route, que chaque homme dit à tort et à travers ce qui lui passe dans la cervelle, ces idées républicaines, exprimées par un royaliste pendant la Restauration, sont encore hardies. En fait, d'avenir, les prétendus esprits progressifs n'ont l'initiative sur rien. Mes derniers articles ranimèrent jusqu'à M. de Lafayette, qui, pour tout compliment, me fit passer une feuille de laurier. L'effet de mes opinions, à la grande surprise de ceux qui n'y avaient pas cru, se fit sentir depuis les libraires, qui vinrent en députation chez moi, jusqu'aux hommes parlementaires les moins rapprochés d'abord de ma politique. La lettre donnée ci-dessous, en preuve de ce que j'avance, cause une sorte d'étonnement par la signature. Il ne faut faire attention qu'à la signification de cette lettre, au changement survenu dans les idées et dans la position de celui qui l'écrit et de celui qui la reçoit. Quant au libellé, je suis Bossuet, et Montesquieu, cela va sans dire. Nous autres auteurs, c'est notre pain quotidien, de même que les ministres sont toujours Sully et Colbert. Monsieur le vicomte, permettez que je m'associe à l'admiration universelle. J'éprouve depuis trop longtemps ce sentiment pour résister au besoin de vous l'exprimer. Vous réunissez la hauteur de Bossuet à la profondeur de Montesquieu. Vous avez retrouvé leur plume et leur génie. Vos articles sont de grands enseignements pour tous les hommes des temps. Dans le nouveau genre de guerre que vous avez créé, vous rappelez la main puissante de celui qui, dans d'autres combats, a aussi rempli le monde de sa gloire. Puisse vos succès être plus durables. Ils intéressent la patrie et l'humanité. Tous ceux qui, comme moi, professent les principes de la monarchie constitutionnelle sont fiers de trouver en vous leur plus noble interprète. Agréez, monsieur le vicomte, une nouvelle assurance de ma haute considération, Horace et Bastiani. Dimanche 30 octobre. Note 30 octobre 1825. Fin de note. Ainsi tombait à mes pieds, amis, ennemis, adversaires, au moment de la victoire. Tous les pusillanimes et les ambitieux qui m'avaient cru perdu commençaient à me voir sortir radieux des tourbillons de poussière de la lice. C'était ma seconde guerre d'Espagne. Je triomphais de tous les partis intérieurs, comme j'avais triomphé au dehors des ennemis de la France. Il m'avait fallu payer de ma personne, de même qu'avec mes dépêches, j'avais paralysé et rendu vaines les dépêches de M. de Metternich et de M. Canning. Le général Foy et le député Manuel moururent et enlevèrent à l'opposition de gauche ses premiers orateurs. M. de Serres et Camille Jordan descendirent également dans la tombe. Jusque dans le fauteuil de l'Académie, je fus obligé de défendre la liberté de la presse contre les larmoyantes supplications de M. de Lolly-Tollendal. La loi sur la police de la presse, que l'on appela la loi de justice et d'amour, dut principalement sa chute à mes attaques. Mon opinion sur le projet de cette loi est un travail historiquement curieux. J'en reçus des compliments parmi lesquels deux noms sont singuliers à rappeler. Monsieur le vicomte, je suis sensible aux remerciements que vous voulez bien m'adresser. Vous appelez obligeance ce que je regardais comme une dette, et j'ai été heureux de la payer à l'éloquent écrivain. Tous les vrais amis des lettres s'associent à votre triomphe et doivent se regarder comme solidaires de votre succès. De loin comme de près, j'y contribuerai de tout mon pouvoir s'il est possible que vous ayez besoin d'efforts aussi faibles que les miens. Dans un siècle éclairé comme le nôtre, le génie est la seule puissance qui soit au-dessus des coups de la disgrâce. C'est à vous, monsieur, qu'il appartenait d'en fournir la preuve vivante à ceux qui s'en réjouissent, comme à ceux qui ont le malheur de s'en affliger. J'ai l'honneur d'être, avec la considération la plus distinguée, votre, etc., etc., Étienne, Paris, ce 5 avril 1826. J'ai bien tardé, monsieur, à vous rendre grâce de votre admirable discours. Une fluxion sur les yeux des travaux pour la Chambre, et plus encore les épouvantables séances de cette Chambre, me serviront d'excuse. Vous savez d'ailleurs combien mon esprit et mon âme s'associent à tout ce que vous dites et sympathisent avec tout le bien que vous essayez de faire à notre malheureux pays. Je suis heureux de réunir mes faibles efforts à votre puissante influence et le délire d'un ministère qui tourmente la France et voudrait la dégrader, tout en m'inquiétant sur ses résultats prochains, me donne l'assurance consolante qu'un tel état de choses ne peut se prolonger. Vous aurez puissamment contribué à y mettre un terme, et si je mérite un jour qu'on place mon nom bien après le vôtre dans la lutte qu'il faut soutenir contre tant de folies et de crimes, je m'estimerai bien récompensé. Agréez, monsieur, l'hommage d'une admiration sincère, d'une estime profonde et de la plus haute considération. Benjamin Constant, Paris, ce 21 mai 1827. C'est au moment dont je parle que j'arrivais au plus haut point de mon importance politique. Par la guerre d'Espagne, j'avais dominé l'Europe. Mais une opposition violente me combattait en France. Après ma chute, je devins à l'intérieur le dominateur avoué de l'opinion. Ceux qui m'avaient accusé d'avoir commis une faute irréparable en reprenant la plume étaient obligés de reconnaître que je m'étais formé un empire plus puissant que le premier. La jeune France était passée tout entière de mon côté et ne m'a pas quitté depuis. Dans plusieurs classes industrielles, les ouvriers étaient à mes ordres et je ne pouvais plus faire un pas dans les rues sans être entouré. D'où me venait cette popularité? de ce que j'avais connu le véritable esprit de la France. J'étais parti pour le combat avec un seul journal, et j'étais devenu le maître de tous les autres. Mon audace me venait de mon indifférence. Comme il m'aurait été parfaitement égal d'échouer, j'allais au succès sans m'embarrasser de la chute. Il ne m'est resté que cette satisfaction de moi-même, car que fait aujourd'hui à personne une popularité passée et qui s'est justement effacée du souvenir de tous? La fête du roi étant survenue, j'en profitai pour faire éclater une loyauté que mes opinions libérales n'ont jamais altérée. Je fis paraître cet article, « Encore une trêve du roi, paix aujourd'hui au ministre, gloire, honneur, longue félicité et longue vie à Charles X, c'est là Saint-Charles. C'est à nous surtout, vieux compagnons d'exil de notre monarque, qu'il faut demander l'histoire de Charles X. Vous autres Français, qui n'avez point été forcés de quitter votre patrie, vous qui n'avez reçu un Français de plus que pour vous soustraire au despotisme impérial et aux joues de l'étranger, habitants de la grande et bonne ville, vous n'avez vu que le prince heureux, quand vous vous pressiez autour de lui le 12 avril 1814, quand vous touchiez en pleurant d'attendrissement des mains sacrées, quand vous retrouviez sur un fond ennobli par l'âge et le malheur toutes les grâces de la jeunesse, comme on voit la beauté à travers un voile, vous n'aperceviez que la vertu triomphante, et vous conduisiez le fils des rois à la couche royale de ses pères. Mais nous, nous l'avons vu dormir sur la terre, comme nous, sans asile, comme nous proscrits et dépouillés. Eh bien, cette bonté qui vous charme était la même. Il portait le malheur comme il porte aujourd'hui la couronne, sans trouver le fardeau trop pesant, avec cette bénignité chrétienne qui tempérait l'éclat de son infortune, comme elle adoucit l'éclat de sa prospérité. Les bienfaits de Charles X s'accroissent de tous les bienfaits dont nous ont comblé ses aïeux. La fête d'un roi très chrétien est pour les Français la fête de la reconnaissance. Livrons-nous donc au transport de gratitude qu'elle doit nous inspirer. Ne laissons pénétrer dans notre âme rien qui puisse un moment rendre notre joie moins pure. Malheur aux hommes! Nous allions violer la trêve. Vive le roi! » Mes yeux sont remplis de larmes en copiant cette page de ma polémique, et je n'ai plus le courage d'en continuer les extraits. Oh, mon roi, vous que j'avais vu sur la terre étrangère, je vous ai revu sur cette même terre où vous alliez mourir. Quand je combattais avec tant d'ardeur pour vous arracher à des mains qui commençaient à vous perdre, jugez, par les paroles que je viens de transcrire, si j'étais votre ennemi, ou bien le plus tendre et le plus sincère de vos serviteurs. Hélas, je vous parle, et vous ne m'entendez plus. Note. Cette apostrophe, pleine de tristesse et de sanglots, dit ici M. de Marcellus, Chateaubriand et son temps, page 307, appelle dans nos yeux les larmes qui mouillaient les joues de l'auteur en l'écrivant. Et plus d'une fois, j'ai surpris pleurant tout seul M. de Chateaubriand, qui ne pleurait devant personne. Fin de note. Le projet de loi sur la police de la presse ayant été retiré, Paris illumina. Je fus frappé de cette manifestation publique. Pronostic mauvais pour la monarchie. L'opposition avait passé dans le peuple. Et le peuple, par son caractère, transforme l'opposition en révolution. La haine contre M. de Villèle allait croissant. Les royalistes, comme au temps du conservateur, étaient redevenus derrière moi constitutionnels. M. Michaud m'écrivait « Mon honorable maître, j'ai fait imprimer hier l'annonce de votre ouvrage sur la censure, mais l'article, composé de deux lignes, a été rayé par messieurs les censeurs. M. Capfig vous expliquera pourquoi nous n'avons pas mis de blanc ou de noir. Si Dieu ne vient à notre secours, tout est perdu. La royauté est comme la malheureuse Jérusalem entre les mains des Turcs. À peine ses enfants peuvent-ils en approcher? À quelle cause nous sommes-nous donc sacrifiés? Michaud. L'opposition avait enfin donné de l'irascibilité au tempérament froid de M. de Villèle et rendu despotique l'esprit malfaisant de M. de Corbière. Celui-ci avait destitué le duc de Liancourt de 17 places gratuites. Le duc de Liancourt n'était pas un saint, mais on trouvait en lui un homme bienfaisant, à qui la philanthropie avait décerné le titre de vénérable. Par le bénéfice du temps, de vieux révolutionnaires ne marchent plus qu'avec une épithète comme les dieux d'Homère, c'est toujours le respectable monsieur tel, c'est toujours l'inflexible citoyen tel, qui, comme Achille, n'a jamais mangé de bouillie à Kylos. À l'occasion du scandale arrivé au convoi de M. de Liancourt, M. de Sémonville nous dit, à la Chambre des Pairs, Soyez tranquilles, messieurs, cela n'arrivera plus. Je vous conduirai moi-même au cimetière. » Le roi, au mois d'avril 1827, voulut passer la revue de la garde nationale au Champ de Mars. Deux jours avant cette fatale revue, poussé par mon zèle et ne demandant qu'à mettre bas les armes, j'adressai à Charles X une lettre qui lui fut remise par M. de Blacas et dont il m'accusa réception par ce billet. « Je n'ai pas perdu un seul instant, monsieur le vicomte, pour remettre au roi la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser pour sa majesté. Et si elle daigne me charger d'une réponse, je ne mettrai pas moins d'empressement à vous la faire parvenir. Recevez, monsieur le vicomte, mes compliments les plus sincères. Blacas d'Olp, ce 27 avril 1827 à 1 heure après-midi. Au roi, sire, permettez à un sujet fidèle, que les moments d'agitation retrouveront toujours au pied du trône, de confier à votre majesté quelques réflexions qu'il croit utiles à la gloire de la couronne comme au bonheur et à la sûreté du roi. Sire, il n'est que trop vrai, il y a péril dans l'État, mais il est également certain que ce péril n'est rien si on ne contrarie pas les principes mêmes du gouvernement. Un grand secret, sire, a été révélé. Vos ministres ont eu le malheur d'apprendre à la France que ce peuple que l'on disait ne plus exister était tout vivant encore. Paris, pendant 2 fois 24 heures, a échappé à l'autorité. Les mêmes scènes se répètent dans toute la France. Les factions n'oublieront pas cet essai. Mais les rassemblements populaires, si dangereux dans les monarchies absolues, parce qu'elles sont en présence du souverain même, sont peu de choses dans la monarchie représentative, parce qu'elles ne sont en contact qu'avec des ministres ou des lois. Entre le monarque et les sujets se trouve une barrière qui arrête tout, les deux chambres et les institutions publiques. En dehors de ces mouvements, le roi voit toujours son autorité et sa personne sacrée à l'abri. Mais, sire, il y a une condition indispensable à la sûreté générale. C'est d'agir dans l'esprit des institutions. Une résistance de votre conseil à cet esprit rendrait les mouvements populaires aussi dangereux dans la monarchie représentative qu'ils le sont dans la monarchie absolue. De la théorie, je passe à l'application. Votre Majesté va paraître à la revue. Elle y sera accueillie comme elle le doit. Mais il est possible qu'elle entende au milieu des cris de « Vive le roi !» d'autres cris qui lui feront connaître l'opinion publique sur ses ministres. De plus, sire, il est faux qu'il y ait à présent, comme on le dit, une faction républicaine. Mais il est vrai qu'il y a des partisans d'une monarchie illégitime. Or, ceux-ci sont trop habiles pour ne pas profiter de l'occasion et ne pas mêler leur voix le 29 à celle de la France pour donner le change. Que fera le roi? Cédera-t-il ses ministres aux acclamations populaires? Ce serait tuer le pouvoir. Le roi gardera-t-il ses ministres? Ses ministres feront retomber sur la tête de leur auguste maître toute l'impopularité qui les poursuit. Je sais bien que le roi aurait le courage de se charger d'une douleur personnelle pour éviter un mal à la monarchie. Mais on peut, par le moyen le plus simple, éviter ces calamités. Permettez-moi, sire, de vous le dire. On le peut en se renfermant dans l'esprit de nos institutions. Les ministres ont perdu la majorité dans la Chambre des Pairs et dans la nation. La conséquence naturelle de cette position critique est leur retraite. Comment, avec le sentiment de leur devoir, pourraient-ils s'obstiner, en restant au pouvoir, à compromettre la couronne? En mettant leur démission au pied de votre majesté, ils calmeront tout, ils finiront tout. Ce n'est plus le roi qui cède, ce sont les ministres qui se retirent d'après tous les usages et tous les principes du gouvernement représentatif. Le roi pourra reprendre ensuite parmi eux ceux qu'il jugera à propos de conserver. Il y en a deux que l'opinion honore, monsieur le duc de Doudoville et monsieur le comte de Chabrol. La revue perdrait ainsi ses inconvénients et ne serait plus qu'un triomphe sans mélange. La session s'achevera en paix au milieu des bénédictions répandues sur la tête de mon roi. Sire, pour avoir osé vous écrire cette lettre, il faut que je sois bien persuadé de la nécessité de prendre une résolution. Il faut qu'un devoir bien impérieux m'ait poussé. Les ministres sont mes ennemis, je suis le leur. Je leur pardonne comme chrétien, mais je ne leur pardonnerai jamais comme homme. Dans cette position, je n'aurai jamais parlé au roi de leur retraite s'il n'y allait du salut de la monarchie. Je suis, etc., Chateaubriand. Madame la Dauphine et Madame la Duchesse de Berry furent insultées en se rendant à la revue. Le roi fut généralement bien accueilli, mais une ou deux compagnies de la 6e Légion crièrent « À bas les ministres, à bas les jésuites !» Charles X, offensé, répliqua « Je suis venu ici pour recevoir des hommages, non des leçons. » Il avait souvent à la bouche de nobles paroles que ne soutenait pas toujours la vigueur de l'action. Son esprit était hardi, son caractère timide. Charles X, en rentrant au château, dit au maréchal Oudinot « L'effet total a été satisfaisant. S'il y a quelques brouillons, la masse de la garde nationale est bonne. Témoignez-lui ma satisfaction. » Monsieur de Villèle arriva. Des légions, à leur retour, avaient passé devant l'hôtel des finances et crié « À bas Villèle !» Le ministre, irrité par toutes les attaques précédentes, n'était plus à l'abri des mouvements d'une froide colère. Il proposa au conseil de licencier la garde nationale. Il fut appuyé de messieurs de Corbière, de Perronnet, de Damas et de Clermont-Tonnerre, combattu par M. de Chabrol, l'évêque d'Hermopolis et le duc de Doudoville. Une ordonnance du roi prononça le licenciement, coup le plus funeste porté à la monarchie avant le dernier coup des journées de juillet. Si à ce moment la garde nationale ne se fût pas trouvée dissoute, les barricades n'auraient pas eu lieu. M. le duc de Doudoville donna sa démission. Il écrivit au roi une lettre motivée dans laquelle il annonçait l'avenir que tout le monde au reste prévoyait. Le gouvernement commençait à craindre. Les journaux redoublaient d'audace et on leur opposait, par habitude, un projet de censure. On parlait en même temps d'un ministère, la Bourdonnais, où aurait figuré M. de Polignac. J'avais eu le malheur de faire nommer M. de Polignac ambassadeur à Londres, malgré ce qu'avait pu me dire M. de Villèle. En cette occasion, il vit mieux et plus loin que moi. En entrant au ministère, je m'étais empressé de faire quelque chose d'agréable à monsieur. Le président du conseil était parvenu à réconcilier les deux frères dans la prévision d'un changement prochain de règne. Cela lui réussit. Moi, en m'avisant une fois dans ma vie de vouloir être fin, je fus bête. Si monsieur de Polignac n'eût pas été ambassadeur, il ne serait pas devenu ministre des Affaires étrangères. Monsieur de Villèle, obsédé d'un côté par l'opposition royaliste libérale, importuné de l'autre par les exigences des évêques, trompé par les préfets consultés, qui étaient eux-mêmes trompés, résolu de dissoudre la chambre élective, malgré les 300 qui lui restaient fidèles, le rétablissement de la censure précéda la dissolution. J'attaquais plus vivement que jamais, les oppositions s'unirent, les élections des petits collèges furent toutes contre le ministère. À Paris, la gauche triompha. 7 collèges nommèrent M. Royer-Collard et les 2 autres collèges où se présenta M. de Perronnet, ministre, le rejetèrent. Paris illumina de nouveau. Il y eut des scènes sanglantes, des barricades se formèrent et les troupes envoyées pour rétablir l'ordre furent obligées de faire feu. Ainsi se préparaient les dernières et fatales journées. Sur ces entrefaites, on reçut la nouvelle du combat de Navarin. Succès dont je pouvais revendiquer ma part. Les grands malheurs de la Restauration ont été annoncés par des victoires. Elles avaient de la peine à se détacher des héritiers de Louis le Grand. La Chambre des Pairs jouissait de la faveur publique par sa résistance aux lois oppressives. Mais elle ne savait pas se défendre elle-même. Elle se laissa gorger de fournées contre lesquelles je fus presque le seul à réclamer. Je lui prédis que ses nominations vicieraient son principe et lui feraient perdre à la longue toute force dans l'opinion. Me suis-je trompé? Ces fournées, dans le but de rompre une majorité, ont non seulement détruit l'aristocratie en France, mais elles sont devenues le moyen dont on se servira contre l'aristocratie anglaise. Celle-ci sera étouffée sous une nombreuse fabrication de toges et finira par perdre son hérédité, comme la pairie dénaturée l'a perdue en France. La nouvelle chambre arrivée prononça son fameux refus de concours. M. de Villèle, réduit à l'extrémité, songea à renvoyer une partie de ses collègues et négocia avec messieurs Lafitte et Casimir Perrier. Les 2 chefs de l'opposition de gauche prêtèrent l'oreille. La mèche fut éventée. M. Lafitte n'osa franchir le pas. L'heure du président sonna et le portefeuille tomba de ses mains. J'avais rugi en me retirant des affaires. M. de Villèle se coucha. Il eut la velléité de rester à la Chambre des députés, parti qu'il aurait dû prendre, mais il n'avait ni une connaissance assez profonde du gouvernement représentatif, ni une autorité assez grande sur l'opinion extérieure pour jouer un pareil rôle. Les nouveaux ministres exigèrent son bannissement à la Chambre des Pairs, et il l'accepta. Consulté sur quelques remplaçants pour le cabinet, j'invitai à prendre M. Casimir Perrier et le général Sebastiani. Mes paroles furent perdues. M. de Chabrol, chargé de composer le nouveau ministère, me mit en tête de la liste. J'en fus rayé avec indignation par Charles X. M. Portalis, le plus misérable caractère qui fut honque, fédéré pendant les 100 jours, rampant au pied de la légitimité dont il parla comme aurait rougi de parler le plus ardent royaliste, aujourd'hui prodiguant sa banale adulation à Philippe, reçut les sceaux. À la guerre, M. de Caux remplaça M. de Clermont-Tonnerre. M. le comte Roy, l'habile artisan de son immense fortune, fut chargé des finances. Le comte de la Ferronnays, mon ami, eut le portefeuille des affaires étrangères. M. de Martignac entra au ministère de l'Intérieur. Le roi ne tarda pas à le détester. Charles X suivait plutôt ses goûts que ses principes. S'il repoussait M. de Martignac à cause de son penchant au plaisir, il aimait M. de Corbière et de Villèle qui n'allaient pas à la messe. M. de Chabrol et l'évêque d'Hermopolis restèrent provisoirement au ministère. L'évêque, avant de se retirer, vint me voir. Il me demanda si je le voulais remplacer à l'instruction publique. « Prenez M. Royer-Collard, lui dis-je, je n'ai nulle envie d'être ministre. Mais si le roi me voulait absolument rappeler au conseil, je n'y rentrerai que par le ministère des Affaires étrangères, en réparation de l'affront que j'y ai reçu. Or, je ne puis avoir aucune prétention sur ce portefeuille si bien placé entre les mains de mon noble ami. » Après la mort de M. Mathieu de Montmorency, M. de Rivière était devenu gouverneur du duc de Bordeaux. Il travaillait dès lors au renversement de M. de Villèle, car la partie dévote de la cour s'était ameutée contre le ministre des Finances. M. de Rivière me donna rendez-vous rue de Taranes, chez M. de Marcellus, pour me faire inutilement la même proposition que me fit plus tard l'abbé Frayssinous. M. de Rivière mourut, et M. le baron de Damas lui succéda auprès de M. le duc de Bordeaux. Il s'agissait donc toujours de la succession de M. de Chabrol et de M. l'évêque d'Hermopolis. L'abbé Feutrier, évêque de Beauvais, fut installé au ministère des Cultes, que l'on détacha de l'instruction publique, laquelle tomba à M. de Vatimesnil. Restait le ministère de la Marine. On me l'offrit, je ne l'acceptai point. M. le comte Roy me pria de lui indiquer quelqu'un qui me fût agréable et que je choisirais dans la couleur de mon opinion. Je désignai M. Hyde de Neuville. Il fallait en outre trouver le précepteur de M. le duc de Bordeaux. Le comte Roy m'en parla. M. de Chéverus se présenta tout d'abord à ma pensée. Le ministre des Finances courut chez Charles X. Le roi lui dit « Soit, Hyde, à la marine, mais pourquoi Chateaubriand ne prend-il lui-même ce ministère ?» Quant à M. de Chéverus, le choix serait excellent. Je suis fâché de n'y avoir pas pensé. 2 heures plus tôt, la chose était faite. Dites-le bien à Chateaubriand, mais M. Tarin est nommé. M. Roy me vint apprendre le succès de sa négociation. Il ajouta, « Le roi désire que vous acceptiez une ambassade. Si vous le voulez, vous irez à Rome. » Ce mot de Rome eut sur moi un effet magique. J'éprouvais la tentation à laquelle les anachorètes étaient exposés dans le désert. Charles X, en prenant à la marine l'ami que je lui avais désigné, faisait les premières avances. Je ne pouvais plus me refuser à ce qu'il attendait de moi. Je consentis donc encore à m'éloigner. Du moins, cette fois, l'exil me plaisait. Pontificum veneranda sedes, sacrum solium. Je me sentis saisi du désir de fixer mes jours, de l'envie de disparaître, même par calcul de renommée, dans la ville des funérailles, au moment de mon triomphe politique. Je n'aurais plus élevé la voix, sinon comme l'oiseau fatidique de Pline, pour dire chaque matin Ave au Capitole et à l'Aurore. Il se peut qu'il fût utile à mon pays d'être débarrassé de moi. Par le poids dont je me sens, je devine le fardeau que je dois être pour les autres. Les esprits de quelques puissances qui se rongent et se retournent sur eux-mêmes sont fatigants. Dante met aux enfers des âmes torturées sur une couche de feu. M. le duc de Laval, que j'allais remplacer à Rome, fut nommé à l'ambassade de Vienne. Avant de changer de sujet, je demande la permission de revenir sur mes pas et de me soulager d'un fardeau. Je ne suis pas entré sans souffrir dans le détail de mon long différend avec M. de Villèle. On m'a accusé d'avoir contribué à la chute de la monarchie légitime. Il me convient d'examiner ce reproche. Les événements arrivés sous le ministère dont j'ai fait partie ont une importance qui le lie à la fortune commune de la France. Il n'y a pas un Français dont le sort n'ait été atteint du bien que je puis avoir fait, du mal que j'ai subi. Par des affinités bizarres et inexplicables, par des rapports secrets qui entrelacent quelquefois de hautes destinées à des destinées vulgaires, les Bourbons ont prospéré tant qu'ils ont daigné m'écouter, quoique je sois loin de croire avec le poète que mon éloquence a fait l'aumône à la royauté. Sitôt qu'on a cru devoir briser le roseau qui croissait au pied du trône, la couronne a penché, et bientôt elle est tombée. Souvent, en arrachant un brin d'herbe, on fait crouler une grande ruine. Ces faits incontestables, on les expliquera comme on voudra, s'ils donnent à ma carrière politique une valeur relative qu'elle n'a pas d'elle-même. Je n'en tirerai point vanité, je ne ressens point une mauvaise joie du hasard qui mêle mon nom d'un jour aux événements des siècles. Quelle qu'ait été la variété des accidents de ma course aventureuse, ou que les noms et les faits m'aient promené, le dernier horizon du tableau est toujours menaçant et triste. Iuga coepta moeri, siluarum, usaeque canes ululare per umbram. Mais si la scène a changé d'une manière déplorable, je ne dois, dit-on, accuser que moi-même. Pour venger ce qui m'a semblé une injure, j'ai tout divisé, et cette division a produit en dernier résultat le renversement du trône. Voyons. M. de Villèle a déclaré qu'on ne pouvait gouverner ni avec moi ni sans moi. Avec moi, c'était une erreur. Sans moi, à l'heure où M. de Villèle disait cela, il disait vrai, car les opinions les plus diverses me composaient une majorité. Monsieur le président du Conseil ne m'a jamais connu. Je lui étais sincèrement attaché. Je l'avais fait entrer dans son premier ministère, ainsi que le prouve le billet de remerciement de Monsieur le duc de Richelieu et les autres billets que j'ai cités. J'avais donné ma démission de plénipotentiaire à Berlin lorsque Monsieur de Villèle s'était retiré. On lui persuada qu'à sa seconde rentrée dans les affaires, je désirais sa place. Je n'avais point ce désir. Je ne suis point de la race intrépide, sourde à la voix du dévouement et de la raison. La vérité est que je n'ai aucune ambition. C'est précisément la passion qui me manque, parce que j'en ai une autre qui me domine. Lorsque je priais M. de Villèle de porter au roi quelques dépêches importantes, pour m'éviter la peine d'aller au château, afin de me laisser le loisir de visiter une chapelle gothique dans la rue Saint-Julien-le-Pauvre, il aurait été bien rassuré contre mon ambition s'il eût mieux jugé de ma candeur puérile ou de la hauteur de mes dédains. Rien ne m'agréait dans la vie positive, hormis peut-être le ministère des Affaires étrangères. Je n'étais pas insensible à l'idée que la patrie me devrait, dans l'intérieur, la liberté, à l'extérieur, l'indépendance. Loin de chercher à renverser M. de Villèle, j'avais dit au roi, « Sire, M. de Villèle est un président plein de lumière. Votre Majesté doit éternellement le garder à la tête de ses conseils. » M. de Villèle ne le remarqua pas. Mon esprit pouvait tendre à la domination, mais il était soumis à mon caractère. Je trouvais plaisir dans mon obéissance parce qu'elle me débarrassait de ma volonté. Mon défaut capital est l'ennui, le dégoût de tout, le doute perpétuel. S'il se fût rencontré un prince qui, me comprenant, m'eût retenu de force au travail, il avait peut-être quelque parti à tirer de moi. Mais le ciel fait rarement naître ensemble l'homme qui veut et l'homme qui peut. En fin de compte, est-il aujourd'hui une chose pour laquelle on voulut se donner la peine de sortir de son lit? On s'endort au bruit des royaumes tombés pendant la nuit et que l'on balaye chaque matin devant notre porte. D'ailleurs, depuis que M. de Villèle s'était séparé de moi, la politique s'était dérangée. L'ultra-racisme contre lequel la sagesse du président du Conseil luttait encore l'avait débordé. La contrariété qu'il éprouvait de la part des opinions intérieures et du mouvement des opinions extérieures le rendait irritable. De là la presse entravée, la garde nationale de Paris cassée, etc. Devais-je laisser périr la monarchie afin d'acquérir le renom d'une modération hypocrite aux aguets? Je crus très sincèrement remplir un devoir en combattant à la tête de l'opposition, trop attentif au péril que je voyais d'un côté, pas assez frappé du danger contraire. Lorsque M. de Villèle fut renversé, on me consulta sur la nomination d'un autre ministère. Si l'on eût pris, comme je le proposais, M. Casimir Perrier, le général Sébastiani et M. Royer-Collard, les choses auraient pu se soutenir. Je ne voulus point accepter le département de la marine, et je le fis donner à mon ami M. Hyde de Neuville. Je refusai également deux fois l'instruction publique. Jamais je ne saurais rentrer au conseil sans être le maître. J'allai à Rome chercher parmi les ruines mon autre moi-même, car il y a dans ma personne deux êtres distincts et qui n'ont aucune communication l'un avec l'autre. J'en ferai pourtant loyalement l'aveu. L'excès du ressentiment ne me justifie pas selon la règle et le mot vénérable de vertu. Mais ma vie entière me sert d'excuse. Officier au régiment de Navarre, j'étais revenu des forêts de l'Amérique pour me rendre auprès de la légitimité fugitive, pour combattre dans ses rangs contre mes propres lumières, le tout sans conviction, par le seul devoir du soldat. Je restai 8 ans sur le sol étranger, accablé de toutes les misères. Ce large tribut payé, je rentrai en France en 1800. Bonaparte me rechercha et me plaça. À la mort du duc d'Enghien, je me dévouai de nouveau à la mémoire des Bourbons. Mes paroles sur le tombeau de mesdames à Trieste ranimèrent la colère du dispensateur des empires. Il menaça de me faire sabrer sur les marches des Tuileries. La brochure de Bonaparte et des Bourbons valut à Louis XVIII de son aveu même autant que 100 000 hommes. À l'aide de la popularité dont je jouissais alors, la France anticonstitutionnelle comprit les institutions de la royauté légitime. Durant les 100 jours, la monarchie me vit auprès d'elle dans son second exil. Enfin, par la guerre d'Espagne, j'avais contribué à étouffer les conspirations, à réunir les opinions sous la même cocarde, et à rendre à notre canon sa portée. On sait le reste de mes projets, reculer nos frontières, donner dans le Nouveau Monde des couronnes nouvelles à la famille de Saint-Louis. Cette longue persévérance dans les mêmes sentiments méritait peut-être quelques égards. Sensible à l'affront, il m'était impossible de mettre aussi de côté ce que je pouvais valoir, d'oublier tout à fait que j'étais le restaurateur de la religion, l'auteur du génie du christianisme. Mon agitation croissait nécessairement encore à la pensée qu'une mesquine querelle faisait manquer à notre patrie une occasion de grandeur qu'elle ne retrouverait plus. Si l'on m'avait dit « Vos plans seront suivis, on exécutera sans vous ce que vous aviez entrepris », j'aurais tout oublié pour la France. Malheureusement, j'avais la croyance qu'on n'adopterait pas mes idées. L'événement l'a prouvé. J'étais dans l'erreur, peut-être, mais j'étais persuadé que M. le comte de Villèle ne comprenait pas la société qu'il conduisait. Je suis convaincu que les solides qualités de cet habile ministre étaient inadéquates à l'heure de son ministère. Il était venu trop tôt sous la Restauration. Les opérations de finances, les associations commerciales, le mouvement industriel, les canaux, les bateaux à vapeur, les chemins de fer, les grandes routes, une société matérielle qui n'a de passion que pour la paix, qui ne rêve que le confort de la vie, qui ne veut faire de l'avenir qu'un perpétuel aujourd'hui. Dans cet ordre de choses, M. de Villèle eût été roi. M. de Villèle a voulu un temps qui ne pouvait être à lui, et par honneur, il ne veut pas d'un temps qui lui appartient. Sous la Restauration, toutes les facultés de l'âme étaient vivantes. Tous les partis rêvaient de réalités ou de chimères. Tous, avançant ou reculant, se heurtaient en tumulte. Personne ne prétendait rester où il était. La légitimité constitutionnelle ne paraissait à aucun esprit ému le dernier mot de la République ou de la monarchie. On sentait sous ses pieds remuer dans la terre des armées ou des révolutions qui venaient s'offrir pour des destinées extraordinaires. M. de Villèle était éclairé sur ce mouvement. Il voyait croître les ailes qui, poussant à la nation, l'allaient rendre à son élément, à l'air, à l'espace, immense et légère qu'elle est. M. de Villèle voulait retenir cette nation sur le sol, l'attacher en bas, mais il n'en eut jamais la force. Je voulais, moi, occuper les Français à la gloire, les attacher en haut, essayer de les mener à la réalité par des songes. C'est ce qu'ils aiment. Il serait mieux d'être humble, plus prosterné, plus chrétien. Malheureusement, je suis sujet à faillir. Je n'ai point la perfection évangélique. Si un homme me donnait un soufflet, je ne tendrais pas l'autre joue. Eussé-je deviné le résultat, certes, je me serais abstenu. La majorité qui vota la phrase sur le refus de concours ne l'eût pas votée, si elle eût prévu la conséquence de son vote. Personne ne désirait sérieusement une catastrophe, excepté quelques hommes à part. Il n'y a eu d'abord qu'une émeute, et la légitimité seule l'a transformée en révolution. Le moment venu, elle a manqué de l'intelligence, de la prudence, de la résolution qui la pouvait encore sauver. Après tout, c'est une monarchie tombée. Il en tombera bien d'autres. Je ne lui devais que ma fidélité. Elle l'aura à jamais. Dévoué aux premières adversités de la monarchie, je me suis consacré à ses dernières infortunes. Le malheur me trouvera toujours pour second. J'ai tout renvoyé, place, pension, honneur. Et afin de n'avoir rien à demander à personne, j'ai mis en gage mon cercueil. Juges austères et rigides, vertueuses et infaillibles royalistes, qui avez mêlé un serment à vos richesses, comme vous mêlez le sel aux viandes de vos festins pour les conserver, ayez un peu d'indulgence à l'égard de mes amertumes passées. Je les expie aujourd'hui à ma manière, qui n'est pas la vôtre. Croyez-vous qu'à l'heure du soir, à cette heure où l'homme de peine se repose, il ne sente pas le poids de la vie quand ce poids lui est rejeté sur les bras? Et cependant, j'ai pu ne pas porter le fardeau. J'ai vu Philippe dans son palais, du 1er au 6 août 1830, et je le raconterai en son lieu. Il n'a tenu qu'à moi d'écouter des paroles généreuses. Plus tard, si j'avais pu me repentir d'avoir bien fait, il m'était encore possible de revenir sur le premier mouvement de ma conscience. M. Benjamin Constant, homme si puissant alors, m'écrivait le 20 septembre. « J'aimerais bien mieux vous écrire sur vous que sur moi, la chose aurait plus d'importance. Je voudrais pouvoir vous parler de la perte que vous faites essuyer à la France entière en vous retirant de ses destinées, vous qui avez exercé sur elle une influence si noble et si salutaire. Mais il y aurait indiscrétion à traiter ainsi des questions personnelles, et je dois, en gémissant comme tous les Français, respecter vos scrupules. Mes devoirs ne me semblant point encore consommés, j'ai défendu la veuve et l'orphelin. J'ai subi les procès et la prison que Bonaparte, même dans ses plus grandes colères, m'avait épargnée. Je me présente entre ma démission à la mort du duc d'Enghien et mon cri pour l'enfant dépouillé. Je m'appuie sur un prince fusillé et sur un prince banni. Ils soutiennent mes vieux bras entrelacés à leurs bras débiles. Royaliste, êtes-vous si bien accompagné? Mais plus j'ai garrotté ma vie par les liens du dévouement et de l'honneur, plus j'ai échangé la liberté de mes actions contre l'indépendance de ma pensée. Cette pensée est rentrée dans sa nature. Maintenant, en dehors de tout, j'apprécie les gouvernements ce qu'ils valent. Peut-on croire au roi de l'avenir? Faut-il croire au peuple du présent? L'homme sage et inconsolé de ce siècle sans conviction ne rencontre un misérable repos que dans l'athéisme politique. Que les jeunes générations se bercent d'espérance. Avant de toucher au but, elles attendront de longues années. Les âges vont au nivellement général, mais ils ne hâtent point leur marche à l'appel de nos désirs. Le temps est une sorte d'éternité appropriée aux choses mortelles. Il compte pour rien les races et leurs douleurs dans les œuvres qu'il accomplit. Il résulte de ce qu'on vient de lire que si l'on avait fait ce que j'avais conseillé, que si d'étroites envies n'avaient préféré leur satisfaction à l'intérêt de la France, que si le pouvoir avait mieux apprécié les capacités relatives, que si les cabinets étrangers avaient jugé comme Alexandre que le salut de la monarchie française était dans des institutions libérales, que si ces cabinets n'avaient point entretenu l'autorité rétablie dans la défiance du principe de la charte, la légitimité occuperait encore le trône. Oh, ce qui est passé est passé. On a beau retourner en arrière, se remettre à la place que l'on a quittée, on ne retrouve rien de ce qu'on y avait laissé. Homme, idées, circonstances, tout s'est évanoui. Fin de la section 32.